Le micro ouvert qui démarre, qui est reparti pour un grand tour, un petit tour, un grand tour, je ne sais pas. Le convoi de l'eau, ça c'était quand même énorme. Ça se passait du 18 au 27 août et ça partait de Sainte-Soline jusqu'à Paris. Il y avait 800 vélos, il y avait 20 tracteurs et toute l'organisation qui va avec, c'était balèze. Et ça donne confiance, ça donne de la force pour se dire que nous aussi, on peut s'organiser. Et c'est balèze, hein, et c'était beau à voir, et les gens encourageaient sur le chemin. Mais oui, Sainte-Soline, souvenez-vous, c'était exactement le 25 mars 2023. Il y avait 30 000 manifestants, il y avait 5 000 grenades lancées, c'était hyper, hyper violent. Et c'est la suite, pas de cette violence, hein. C'est la suite du combat mené contre les méga-bassines. C'est la suite pour montrer qu'on est là et qu'on ne va pas laisser faire. Et ça, c'est plutôt beau, quoi. Vraiment, parce qu'il n'y a pas de violence du tout là-dedans. Hein. Il y a vraiment une organisation balèze. Il y a les gens qui... Enfin, franchement, ça m'a fait plaisir. Et ça fait plaisir de voir les gens en action dans quelque chose et aussi autre chose qu'une manifestation qui part d'un point A à un point B. Là, c'était quelque chose, hein, quand même, de pédaler sous le cagnard. Là, il faisait très, très, très chaud. Les gens étaient là, les gens accueillaient aux endroits où il fallait accueillir. C'était balèze. Tout de suite, là, on va rencontrer Julien, qui est un des organisateurs et qui nous explique un peu tout ce bazar de l'intérieur. Alors je précise, oui, j'ai envie de le dire quand même si on s'en fout, mais quand même, c'est important de savoir. Moi, j'étais à moto, j'étais pas à vélo, quoi. Donc j'étais pas vraiment avec les gens, avec le convoi. Et ça aurait été super bien, évidemment, de donner le micro à tous ces gens. Mais ça a été un peu compliqué. Voilà, ce convoi de l'eau, c'est maintenant dans le micro ouvert et ce sera aussi en plusieurs parties. On a en plein mois d'août là, fin août, et l'idée est de faire du micro ouvert sur un événement qui a lieu en ce moment. Mais ici, Julien en face de moi va me raconter. Et donc l'idée, c'est d'aller faire du micro ouvert en France, à 250 km, tu vas rectifier, mais moi, comme ça, je suis allée à moto, 250 km d'Orléans, dans des petits patelins, on traverse, et on est parti rencontrer le mouvement méga bassine non merci, quelque chose comme ça. Non, mais un truc vachement bien, en fait, hein. Voilà, allez, non, mais c'est vrai, allez, go, micro, c'est parti. Ouvert. Salut Julien. Salut. On te présente comment toi alors ? Je suis un des porte-parole du collectif citoyen Bassine Non Merci. C'est un collectif qui lutte depuis 6 ans, à la base dans le département des Deux-Sèvres, et plus précisément sur toutes les terres qui alimentent le Marais Poitevin, qui est la deuxième zone humide de France, et qui est concernée depuis une trentaine d'années par des problématiques de surirrigation agricole, et principalement sur du maïs, et qui depuis une trentaine d'années ont généré tout un tas de problèmes de dérèglement des cycles de l'eau, de perte de biodiversité, de dégradation de la qualité des eaux, et avec un déficit chronique où chaque été on se retrouvait avec des rivières à sec, et où depuis une quinzaine d'années, l'État et la FNSEA, qui est le syndicat majoritaire productiviste agricole français, mènent une politique commune de multiplication de méga ouvrages de stockage d'eau, qu'on a nommé nous-mêmes méga bassine pour dire que c'était tout en plastoc. Et quand on dit méga, ça peut faire la taille de 20 terrains de foot. Ça peut représenter... 20 terrains de foot, c'est énorme. Hein. C'est énorme, c'est pour ça. Avant, on dit que c'était bassine. Et le mouvement, il a percuté notamment quand on a mis le terme méga et qu'on a mené des actions permettant à chacun de visualiser l'immensité des terres agricoles qui étaient accaparées comme ça, qui étaient artificialisées complètement de manière irréversible. Parce que pour faire une méga bassine, il faut creuser dans le caillou, dans le calcaire, jusqu'à 8 mètres de profondeur. Tout ce qu'on récupère experts avec les bulldozers sont étalés pour faire des digues. Donc ça fait des espèces de lacs artificiels complètement plastifiés. Donc il n'y a pas beaucoup de biodiversité là-dedans. Et qui, c'est un autre élément qui nous scandalise fort, ne sont pas remplis du tout par l'eau de pluie qui tomberait dedans. Sinon, il y aurait une mare de 50 cm dans le fond. Et puis avec l'évaporation, il n'y aurait rien à la fin de l'été. Mais bien au contraire, remplis par prélèvement dans les nappes phréatiques ou dans les rivières. Et alors tout le truc, toute l'astuce consiste à dire « Ouais, mais c'est pas grave parce qu'on prend l'eau en hiver. » Et en fait, nous, ce qu'on dénonce, c'est que bah, déjà, c'est abject de prendre de l'eau, même en hiver, pour faire du maïs, alors que c'est une plante tropicale et que c'est juste pour le business. Et puis, c'est pas pour se nourrir, c'est pour le bétail, si j'ai bien compris aussi, c'est ça. Hein. En fait, le maïs, il y a toute une industrie du maïs hein, aujourd'hui. Les gros pôles de consommation, c'est la raison pour laquelle ça s'est beaucoup développé en Europe à un moment et où il y a eu des politiques agricoles communes qui ont mené une politique volontariste pour le maïs à partir des années 90, parce qu'on était importateurs, notamment d'Amérique du Sud, et que le maïs était rentré dans le processus agro-industriel parce que ça fait grossir les bêtes en élevage intensif puissance 10. Et donc, il y a une politique très volontariste des pouvoirs publics européens, et chez nous, largement appuyée par les gouvernements successifs et puis par la FNSEA, pour faire le lit d'une véritable industrie du maïs. Et donc ça, c'est la porte d'entrée initiale, historique. Et par la suite, le maïs a été intégré sous forme de... d'ensilage, c'est-à-dire qu'on fait pourrir, on met sous des bâches et on intègre ça dans les portions animales, notamment en élevage laitier. C'est ce qui donne du goût un petit peu de pourri qu'a maintenant l'industriel, c'est le maïs d'ensilage. Les gens qui ont du goût savent reconnaître directement comment la bête a été soit élevée avec des foins de prairie ou de montagne, ou soit avec de la merde, hein, en fait. Maintenant, l'agro-industrie trouve que c'est tellement une plante magique qu'elle la décline à toutes les sauces. Donc, on peut faire des emballages, on peut faire des sacs plastiques. Maintenant, avec du maïs. Avec du maïs. Un autre gros pôle qui apparaît aujourd'hui, c'est en termes énergétiques. En France, il y a multiplication de projets de méga-méthaniseurs qui vont très souvent de pair avec les méga-bassines. Parce qu'en fait, c'est toujours présenté comme étant une manière de traiter les effluents animaux des mêmes élevages intensifs. Sauf que ce qu'on a à la fin, le digesta, c'est pas du fumier, c'est pas un truc qui va se mettre dans le sol et qui va digérer petit à petit, mais c'est du nitrate pur qui va arriver dans les nappes et dans les rivières directes, et les bactéries également. Donc ça pose tout un tas de problèmes là encore sur l'eau, en effet rétro. Mais surtout, la vérité, c'est que ces méthaniseurs tournent essentiellement avec de l'énergie végétale. Et donc il y a aujourd'hui tout un scandale autour des cultures dédiées, des cultures même qui peuvent être du maïs irrigué en plein été pour mettre dans des méthaniseurs. Et là, clairement, ça crée de la tension sur nos territoires. Quand on voit, enfin moi, je sais que personnellement, j'ai une forte accroche pour les milieux aquatiques. Je suis un enfant des marais. Je me baigne partout où je peux. Quel coin, ça ? Dans le marais Poitevin. Mais c'est où sur la carte de France pour les gens qui connaissent ? Le marais Poitevin, c'est sur la côte atlantique, entre Nantes et Bordeaux, on va dire. Et à 30 km à l'intérieur des terres. Et je vous dis, c'est la deuxième zone humide de France. Ça fait 100 000 hectares. Et grosso modo, c'est 1000 hectares de terrain, 100 000 hectares d'anciens golfs vaseux, marins, qui ont été colonisés depuis 1000 ans, à coup de drainage, à coup de barrages, d'écluses, de digues. Et aujourd'hui, c'est un écosystème où 70 000 hectares ressemblent beaucoup à la Hollande. C'est des grands espaces d'anciens marécages asséchés, avec beaucoup de cultures céréalières. Il y a 50 ans, c'était la prairie qui dominait, et c'est, ça n'a pas le même impact. Et il reste 30 000 hectares de marais très aménagés, mais un peu... Ça s'appelle la Venise verte ou le Marais mouillé, qui est un des hauts lieux touristiques de la France. Il y a pas mal de touristes belges qui viennent chaque année. Hein, où c'est une espèce de micro-bocage, où toutes les parcelles sont séparées entre elles par tout un réseau de fossés, de canaux qui ont été creusés il y a 200 ans pour assécher ces terres-là, pour en faire des terres de prairies, de maraîchage, etc. Et c'est vrai que j'ai une très forte attache pour ce milieu, dont je ne suis pas issu au niveau familial, où j'ai une histoire d'enfance et d'amour de mes parents qui kiffent ce milieu, et puis je l'ai kiffé aussi, et j'y ai fait mes enfants, je suis venu m'y installer, et j'ai un jour dit que ma vie serait utile si j'arrivais à participer activement à la sauvegarde de ce milieu-là. Et du coup, par extension, ça m'a emmené... sur les luttes sur l'eau, sur ces notions de bassin versant. En fait, on constate qu'en France, il y a un véritable accaparement des pouvoirs, des instances décisionnelles liées à l'eau, par ces mêmes agro-industries et par cette même FNSEA, qui pèse très lourd, hein, et qui fait qu'il y a tous les freins qui font que... La FNSEA, pour ceux qui ne savent pas, c'est le syndicat, c'est le gros syndicat du gros business, en fait, on peut les appeler comme ça. Dont le tout nouveau patron... travaille pour un groupe qui s'appelle Avril et qui est spécialisé dans l'éthanol 85, quoi. Donc moi, je comprends même pas que des agriculteurs, des petites exploitations, etc., puissent voter pour un mec comme ça, qui en rien représente leur intérêt, en rien fait le même métier. Quoi, ils votent vraiment les petits C'est comme toutes les élections syndicales, et il y a de moins en moins, il y a de plus en plus d'abstentions. Néanmoins, il y a encore un syndicalisme agricole en France qui s'étale autour de 4 partis. Hein, si on doit faire un petit brief, il y a la FNSEA qui a la plupart des chambres d'agriculture à l'échelle des départements et qui a, il y a lien, très intimement lié à un autre syndicat qui s'appelle les Jeunes Agriculteurs. En fait, c'est la pouponnière et ils ont tout un intérêt à jouer une stratégie double. Mais concrètement, c'est les mêmes. Hein, ils sont à la JA jusqu'à leurs 30 ans et puis ils passent à la FNSEA après. Et eux représentent à peu près 50% des élus, des voix à l'échelle nationale, mais possèdent 95%, gèrent 95% des chambres d'agriculture. Et puis ensuite, il y a un syndicat qui est notre syndicat allié dans cette lutte, qui est la Confédération Paysanne, qui pèse autour de 25% en moyenne, qui ne gère pas de chambre, mais qui par contre, et tous les camarades qui sont dans ce syndicat-là, représentent clairement l'agriculture citoyenne, paysanne, qu'on appelle tous de nos voeux, qui est résiliente, qui est compatible avec la biodiversité, qui est compatible avec la préservation des... Ouais. Mais qui est pour le moment... Enfin, on le voit, c'est visible, et depuis... Plein d'années aussi, c'est en voie de disparition. Hein. Il y a une politique menée. Voilà, moi, c'est comme ça que je... Parlons franchement, tu vois, tournons pas autour du pot. Il y a une politique menée d'en haut pour défaire et dégommer tous les petits gens qui savent faire par eux-mêmes, quoi, aussi, tu vois, que ce soit en agriculture ou d'autres savoir-faire. Je sais pas ce que t'en... Non, mais je vais complètement dans ce sens-là. De toute façon, on est bien dans une tendance, mais qui a été enclenchée après la Seconde Guerre mondiale, d'une disparition accrue du monde agricole. En France, ça représente plus de 1,5% des actifs. Et on nous annonce le départ à la retraite de 50% des effectifs dans les 10 ans qui viennent. Et c'est ce qui fait que dans les luttes qu'on porte également avec un autre mouvement qui s'appelle les Soulèvements de la Terre, qui est co-organisateur de cet événement-là, on partage le fait de lutter contre les logiques d'accaparement des terres. Et il y a une vraie grosse problématique. Et on voit bien que l'heure aujourd'hui et les politiques gouvernementales qui vont en soutien sont aux méga-fermes, aux fermes-usines, à des fermes qui sont plus gérées par des paysans, mais qui sont gérées par des fonds. Des machines, hein. Et ça va évidemment ouais. Avec la mécanisation, mais là je parlais plutôt d'organisation en termes de système sociétal, quoi. Hein. C'est de plus en plus... Les chaînes de grande distribution qui investissent dans des fermes avec leurs marques dédiées et compagnie, quoi. Enfin, voilà. Là, par exemple, hier, c'est aussi un petit peu l'enjeu de ce qu'on voit de l'eau, hein, cette initiative sur 9 jours, la comporte, et puis je te redirai d'où ça part et où ça va, avec quel objectif politique il y a derrière. Comment te dire ? Hier, on est passé sur une ferme de 2000 hectares. Tu parles de quoi, là ? Le convoi de l'eau, nos 600 vélos, on fait une étape et on a exposé la problématique d'une ferme qui vient d'être achetée et qui représente 2000 hectares. C'est hier ça, non ? Oui, c'est hier. Voilà. Ouais. Voilà, le principe du convoi de l'eau, c'est de cheminer de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, où je pense que même en Belgique, vous en avez entendu parler, au mois de mars, il y a eu des affrontements, enfin, il y a eu une véritable agression policière sur des cortèges qui ont généré 200 mutilés. Il y a 5000 bombes qui ont été jetées sur... Il y a 2 personnes qui sont passées à côté de la mort. Enfin voilà, c'est un des grands scandales des derniers mois ou années en France, et puis certainement une des opérations de maintien de l'ordre. Enfin, de maintien de l'ordre, oui. Des opérations de police des plus violentes. Et puis alors, ce qui est très nouveau, c'est que ça vise les mouvements écolos maintenant. Et que du coup, on joue sur cette confusion sur laquelle Darmanin a fait son lit, les éco-terroristes, la dissolution des soulèvements de la terre, etc. Là où c'est évidemment pas raisonnable, parce que si on a en effet des modes d'action, de visibilité du mouvement, et qu'on est tout à fait capable de revendiquer des actions de démontage ou de mise hors service de matériel qu'on qualifie d'écocidaire, on n'est pas du tout dans l'attaque des personnes, on n'est pas du tout dans l'intimidation individuelle, on s'attaque à un système et pas à des personnes. Enfin voilà. Donc on est d'accord, hein, mais les grands médias aiment bien faire du vent avec, tu vois ce que je veux dire, mais... Le gouvernement et Darmanin aiment bien faire du vent, il y a certains médias qui le reprennent pour argent comptant et qui le mettent en lumière. Ça, c'est problématique, ouais. Donc reprenons la caravane, moi je l'appelle comme ça, mais c'est le convoi de l'eau, ça s'appelle comme ça. Donc ça part de Sainte-Soline et ça va... Eh bien, l'objectif final, c'est Paris, le 26 août, et avec une étape très importante sur le plan politique pour nous, à Orléans, où siège l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, qui est un organisme qui gère les financements de l'eau sur un quart de la France à peu près, sur toute la Bretagne et tout le bassin versant de la Loire, qui est immense. et qui est un organisme auquel on reproche de financer à hauteur de 50% les projets de méga-bassines. Et c'est des financements colossaux. Une méga-bassine, en moyenne, c'est 4-5 millions d'euros. Là, les 16 qu'ils veulent faire chez nous, c'est 76 millions d'euros. Et il y aurait plus de 30 millions d'euros qui viendraient de cette agence de l'eau. Et ça pose une vraie question de priorisation de cette manne d'argent public. Est-ce qu'elle est au service de méga-fermes, comme on les décrivait, ou est-ce qu'elle est au service de paysans qui tirent le diable par la queue, mais qui, par contre, sont très attachés à la biodiversité, au respect, à la sortie des pesticides, etc. Donc c'est des vrais choix politiques. Et comme on a relevé dans cette instance-là, comme dans toutes les autres, ben, si ces décisions elles sont votées à plus de 50%, c'est qu'il y a une alliance État plus FNSEA qui fait que cet organisme qui a pour objet statutaire la protection de l'eau en qualité, en quantité, et selon des usages qui sont priorisés par la loi, et qui sont d'abord l'eau potable, puis la sauvegarde des milieux aquatiques, et enfin l'eau économique et l'eau pour les loisirs, et où typiquement dans le financement des bassines, il y a une inversion complète de l'ordre des priorités que le gouvernement vise à instaurer à l'échelle de tous les bassins versants, de dire ben, on va privilégier des petites négociations locales où finalement ben, les potentats locaux auront toute expression et faire valider ou venir contourner la loi européenne qui inscrit dans le marbre cet ordre de priorité. J'adore comment tu t'arrêtes comme ça, Ploc. Donc ce qu'on voit de l'eau, il part de Sainte-Soline. Alors pour les gens, ben ouais, c'est genre l'ouest de la France, quoi. C'est la Bretagne, hein. Pas vraiment, non? On va dire que ça part du centre atlantique. Voilà. Ouais, mais moi j'ai pas de. Et donc ça va jusqu'à Paris, je suppose, ouais. Que ça les gens connaissent. En fait, on a le parcours qu'on va faire à vélo jusqu'à Orléans, c'est 300 km. Il y a des tracteurs aussi, hein. Et des tracteurs, en fait, pour que les gens se rendent compte un petit peu du truc, c'est 600 personnes qui cheminent à peu près 50 km par jour, avec une trentaine de tracteurs qui sont là en tête et en queue et qui assurent le transport de la logistique. C'est une espèce de festival itinérant où à chaque étape, en fait, on est accueilli par des gens qui luttent localement, qui s'organisent pour nous accueillir et auxquels aussi on propose, on demande de porter une action avec eux pour les aider à porter plus fort leur lutte, leur donner plus de visibilité et tout. Et puis, avec l'espoir que tout ça renforce des fraternisations, des actions communes à l'avenir. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, depuis 4 jours qu'on est parti, c'est extraordinaire. Ça roule, quoi. Ah bah ça roule, ouais. C'est super bien organisé. Moi, je viens d'arriver, là. Ouais, c'est un bon. Ça se voit déjà que c'est bien organisé. C'est clair. Et ça, c'est aussi lié au fait que ça fait 6 ans qu'on lutte. Ça fait 2 ans qu'on lutte avec une alliance nationale et on a organisé plein de trucs. Il y a de la confiance, il y a du savoir-faire. Mais là, au niveau, ouais, c'est un vrai défi logistique. C'est fou. D'ailleurs, il ne faut pas le nier. Ça génère du stress, de la tension entre nous. Hein, on est harcelé de toutes parts. Mais vraiment, ce qu'on ressent de la part des gens. Tu veux dire harcelé entre vous ? Entre nous, oui, sur des questions. Vous engueulez, quoi. J'irai pas jusque-là, mais il y a. Harceler, c'est. Tu vois, ça fait penser à du harcèlement policier. Non, mais le mot est pas. Il n'y a pas. Voilà, c'est juste pour dire que. Il y a des tensions, quoi. Oui, et c'est normal quand on est. Je sais pas, entre 50 et 100 à organiser un truc au. C'est la vie, quoi. Et c'est pas le sujet. C'est une démocratie en roue, qui roule, qui se construit au fur et à mesure. C'est une expérience humaine assez folle. Et c'est vrai que j'imagine, et puis c'est le retour qu'on a des gens qui nous suivent et sont venus s'engager avec nous, de joie, de bien-être, de dépassement de soi en collectif. C'est des vraies épreuves, hein. On est en pleine canicule. On n'a plus l'habitude d'être ensemble. On est tellement dans nos petites vies individuelles, quoi. Tu comprends ce que je veux dire. Je veux dire, c'est un système qui nous pousse à être individuels. Et où là, c'est tout l'inverse, quoi. Tout est basé sur du prix libre, sur le fait que tout le monde emmène tout ce qu'il peut d'énergie, d'inventivité, de. C'est vrai que c'est assez magnifique, c'est humainement magnifique. Il y a des trucs là qui tournent. Les sbelinettes, qui sont des bars mobiles, le premier jour, ils distribuaient des glaces dans le cortège. Les sorbets qu'ils font eux-mêmes, quoi. Et c'est à prix libre. Et quand tu te renseignes, les produits, c'est que. Enfin, c'est du délire, quoi. On emmène un petit peu tout le meilleur de nous-mêmes pour le. Et donc, l'arrivée, c'est Paris. Parce que Paris, c'est là où se trouve le pouvoir. C'est centralisé, c'est ça le. Il y a deux choses, ouais. Il y a vraiment le. Il y a un vrai enjeu hyper stratégique sur ce dossier-là à Orléans. On espère vraiment obtenir de l'agence de l'eau, des élus de l'agence de l'eau, une suspension des financements, un gel de tout financement de méga-bassines. Moi, je rigole. Ouais. Vous espérez ça ? Mais parce que tout aujourd'hui nous donne raison. Il y a aujourd'hui une espèce d'unanimité au niveau scientifique pour condamner et dénoncer ces ouvrages, démontrant que peut-être ça aurait pu être une solution il y a 30 ans, mais là dans un contexte de réchauffement climatique, c'est juste à la ramasse totale, et que toutes les évaluations qui ont été faites jusqu'à maintenant ne prennent pas en compte le réchauffement climatique. Une des plus hautes instances scientifiques françaises en termes de géologie, le BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, s'est fourvoyé sur ce dossier, a répondu à une commande privée de la COP de l'eau, qui est l'association des agriculteurs qui pilote les bassines en Deux-Sèvres, et c'était une commande, et c'était présenté comme un rapport officiel neutre de l'État. Et on a démonté argument par argument ce travail-là, au point aujourd'hui le BRGM est en crise entre ses décideurs, les pressions qu'ils subissent des instances gouvernantes et ce que ça donne au niveau des salariés qui se retrouvent à devoir opérer à des choses qui vont complètement à l'encontre de leur honnêteté intellectuelle, de leurs convictions, des raisons profondes pour lesquelles ils font ce métier-là. Et un autre truc qui nous porte à croire que c'est la bonne demande à faire aujourd'hui, c'est que cette agence de l'eau, une de ces instances, qui est on va dire l'équivalent de son parlement, le comité de bassin, qui n'est pas l'instance décisionnelle quotidienne, mais qui est celle qui donne les grandes orientations et qui est garante un petit peu du cadre institutionnel, a pris une motion à l'unanimité demandant un apaisement sur les bassines, parce que Sainte-Soline a marqué profondément les chairs, mais aussi les esprits. Dans leur écrit commun, reprennent ces arguments d'évaluation insuffisante, ne prenant pas en compte l'ensemble des... On sait que, alors qu'il y a même des gens qui portent ces bassines, qui aujourd'hui ont signé cette motion, parce qu'en fait, elle est plus tenable en fait, scientifiquement, démocratiquement, etc. Donc pour nous, c'est la bonne demande. Et on vient dire qu'on a bien reçu cette demande de réouverture des négociations, etc. Sauf que pour nous, il y a une condition sine qua non, c'est qu'il n'y ait plus aucune bassine en attendant. C'est un moratoire. C'est pas on discute et puis d'un autre côté, il y a des travaux et on continue à voir nos territoires se dégrader. D'autant qu'en plus, il y a des précédents en France d'aménagements comme ça, notamment autour de l'eau, de projets de barrage, où les projets passent en force avec le soutien de l'État, sont finalement jugés illégaux en tribunal administratif et restent en place. Il n'y a jamais de remise en état et voire même l'État autorise les usages. Et sur les bassines spécifiquement, il y en a 7 en Charente-Maritime. C'est le cas, elles ont été attaquées il y a 15 ans, ça fait 10 ans que c'est tranché. Elles sont illégales et elles continuent à tourner. Donc évidemment que nous, ça nous emmène à des formes d'action qui sont beaucoup plus déterminées, qui... Ça me paraît évident et logique. Mais quand tu dis nous, Julien, ça représente combien de gens, ça ? Décoller. Aujourd'hui, j'aurais bien peine à vous dire, à Sainte-Soline, on était 30 000 à dire nos méga-bassines, et 30 000 dans un contexte où on savait qu'on avait un État qui ne nous ferait pas de cadeaux. Donc des gens qui venaient à une manif avec des risques, en réalité. Donc c'est pas rien. Et aujourd'hui, oui, le mouvement anti-bassine par extension, les soulèvements de la terre, toute cette mouvance où aujourd'hui on dit que les marches pour le climat, c'est super, mais c'est pas suffisant vu les urgences et vu les destructions, les politiques en portée encore, quoi, qui sont hyperactives et qui vont très très vite. En fait, il y a en ce moment des caps fatidiques qui sont en train de passer. La méthanisation du territoire, c'est un projet d'aménagement global, massif, qui va impacter sur la matière organique, sur est-ce qu'on remet les matières dans les sols pour les composter ou est-ce qu'on va faire du business avec. Et les bassines, c'est la même chose. Donc le nous, il est assez large. L'alliance autour des méga-bassines, aujourd'hui, elle concerne près de 200 organisations dans lesquelles il y a des syndicats ouvriers également, des syndicats agricoles, des élus, des partis, des associations de protection de la nature, de consommateurs, la mouvance autonomiste, Antifa, anarchiste. C'est une alliance très, très large qui apprend à coexister avec des modalités d'action différentes. C'est très original, c'est assez novateur. Parce que l'idée, en fait, c'était de se dire, ok, ça c'est moi qui dis, je dis pas que tu dis ça, hein, parce que c'est d'aller à Paris, mais faire déguerpir Macron, tu vois ce que je veux dire, c'est un truc comme ça, genre, si on pouvait vraiment, tu sais, être dans le concret des choses, bon allez, bonhomme, va-t'en maintenant, c'est bon. On trouverait digne, vu tous les mensonges, notamment... qu'a pu faire Darmanin sur ce dossier de bassine, on trouverait digne qu'il démissionne, en fait, et qu'il soit attaqué pénalement. parce qu'il a dit des choses abjectes. Et on va falloir qu'on y aille parce que le cortège est en train de partir. Si tu veux, on reprendra la prochaine étape. Ah ouais? Ouais, à fond. Bon, ok, allez. Bon, ben, merci Julien. À plus tard alors. Ben ouais, c'est ça, on fera une deuxième. On fait une deuxième? Ça va, tu vois. Donc moi je suis Gaëlle de la Confédération Paysanne d'Indre-et-Loire et comme la Confédération Paysanne est coordinatrice du convoi, moi j'ai quelques occupations sur l'étape de Belêtre et puis celle en Indre-et-Loire plus généralement. L'étape de Belêtre où on est, hein ? Où on est effectivement. Et du coup, moi, c'est Jean-Cyril Dagorne et je suis paysan boulanger, un des associés de la ferme de Belêtre ici, qui reçoit le convoi de l'eau cet après-midi. Quel tour ? Pas de présentation ? Oh, si, si on, tout le monde, je crois, non ? Non, c'est pas du jeu. D'accord. Hugues Le Guélec, donc je suis reporter photographe à la Nouvelle République à Tours. Voilà. Ok. Enchanté. Et moi, je suis Julien Lucas, journaliste à la Nouvelle République, mais à la rédaction de Loche. Ok, ok. Donc moi, c'est Graziella, hein. Je suis journaliste indépendante, voilà, sur les médias alternatifs. Et en fait, ce qui se passe là maintenant, c'est une conférence de presse. C'est ça ? Un point presse, on a dit que c'était un point presse. C'est quoi un point presse ? C'est en fait, on accueille des journalistes pour expliquer un petit peu ce qui se passe ici, à cette étape précisément. Avec plusieurs, on essaye de grouper les journalistes parce que sinon ça fait lourd pour nous. Et voilà, mais il n'y a pas de, c'est spontané, il n'y a pas de, c'est un accueil des journalistes. Et voilà. C'est une présentation un peu aussi de ce qu'on voit quoi, exactement. De ce qu'on voit de l'eau. Et de ce qu'on va voir cet après-midi et ce soir, du coup. La question est toute bête, c'est comment la ferme de Belêtre se retrouve sur le convoi de l'eau. C'est, l'initiative vient de des organisateurs, ça vient du lieu, comment ça s'est préparé en amont ? Et ben la, comme disait Gaël, la Confédération Paysanne est co-organisatrice du convoi de l'eau. La ferme de Belêtre est adhérente à la Confédération Paysanne d'Indre-et-Loire. Et donc du coup, la conf nous a demandé si on accepterait d'accueillir le convoi de l'eau sur le trajet, à la fois parce que géographiquement ça avait du sens, et parce qu'en termes de ce qu'on veut faire passer comme message positif sur les alternatives agricoles qui sont aujourd'hui non seulement possibles, mais qui sont de fait mises en œuvre, et ben, c'était pertinent pour nous et pour la conf et pour l'ensemble de l'organisation du convoi de l'eau. Donc c'est comme ça que ça s'est mis en place. Et du coup, je rajoute aussi que c'est assez emblématique parce que c'est la seule ferme qui accueille sur le convoi de l'eau. C'est important de dire qu'ici, voilà, c'est une ferme qui accueille. Et puis... Je veux dire que c'est une ferme qui accueille sur la SMAN, ouais. Sur le... Voilà, tous les autres bivouacs se passent soit sur des terrains municipaux, soit sur des lieux autres, mais il n'y a pas de ferme. C'est vraiment la seule du parcours. Et puis aussi de dire que à la Confédération Paysanne, on est toujours considéré un petit peu comme des opposants, c'est-à-dire être contre. Mais en fait, oui, on est contre la politique agricole en place actuellement, mais on est pour plein d'autres choses. Et pour nous, la ferme de Belêtre était assez emblématique pour montrer pourquoi on est et pour quelle agriculture paysanne on est. Pourquoi elle est emblématique, cette ferme de Belêtre, pour vous ? Elle est emblématique pour plusieurs raisons, parce que c'est une agriculture paysanne et biologique, c'est-à-dire que si on peut résumer, en fait la ferme de Belêtre, elle est autonome, c'est-à-dire qu'elle fait du mal, mais Jean-Cyril en parlera mieux que moi. Moi ce que je voulais dire sur la ferme de Belêtre aussi, pourquoi, c'est parce que c'est une ferme collective et qui est un outil... qui est un exemple pour moi d'un statut de paysan et de paysanne beaucoup plus pertinent que ce qui existe et qui permet pas mal d'avantages d'être salarié, d'être en collectif. Donc ça veut dire qu'on n'est pas seul sur sa ferme, donc pour plein de raisons, c'est-à-dire que du coup on ne prend pas des décisions seules, si on peut se libérer du temps aussi. Et puis aussi c'est une ferme qui est transmissible du coup, parce qu'on peut rentrer dans le collectif et on peut en sortir aussi. Mais Jean-Cyril parlera mieux de moi de la production. Oui, du projet en général. Effectivement, la ferme, elle a commencé en 2014 et elle a été pensée dès le départ comme une forme de laboratoire, une tentative pour montrer qu'on peut sortir de l'impasse actuelle en agriculture. L'impasse étant qu'un départ sur deux à la retraite n'est pas remplacé par une installation de nouvelles paysannes ou nouveaux paysans, mais par à l'agrandissement. Donc on a de moins en moins de fermes, des fermes de plus en plus grandes, un endettement aussi qui augmente, et des paysans qui, pour bon nombre d'entre eux, gagnent pas assez bien leur vie, et donc du coup ont besoin de vendre bien leur ferme à la retraite pour pouvoir se payer une retraite. Donc du coup, pour sortir de ce cycle-là qui aboutit à ce qu'on ne puisse pas installer des nouvelles paysannes et des nouveaux paysans alors qu'on en a bien besoin, ce qu'on tente ici, avec un statut de ferme coopérative, avec un statut coopératif, c'est justement d'avoir une entreprise agricole qui, sur laquelle il n'y a pas de frein économique à l'installation. On peut s'installer en collectif. Une part sociale, ça coûte 50 euros dans notre scope. Donc on peut devenir associé de la ferme pour 50 euros. Donc on veut résoudre cette question de la transmission des fermes et on veut avoir aussi un statut qui corresponde à nos envies de fonctionnement collectif horizontal où tous les travailleuses et les travailleurs non seulement sont associés aux décisions mais aussi touchent une part égale des bénéfices quand il y en a et des profits, quoi. Donc c'est vraiment un enjeu à la fois de montrer qu'on peut avoir une ferme respectueuse des ressources naturelles et une ferme qui fournit aux travailleuses et aux travailleurs des droits équivalents aux salariés en termes de protection sociale et de retraite et qui permettent à des nouvelles et des nouveaux paysans de s'installer. C'est un rendez-vous, vous parlez depuis combien de temps à Belêtre, depuis le moment où l'étape a été validée Ça fait pas mal de semaines qu'on prépare ça de manière hebdomadaire avec une grosse cinquantaine de bénévoles qui se sont réunis régulièrement pour penser un peu toute la logistique d'accueil sur la ferme, à la fois en termes d'accueil de confort pour le camping, pour les toilettes sèches, pour l'alimentation, pour l'hydratation, pour se laver, etc. Mais aussi en termes de contenu, d'animation musicale, de concerts et de discussions politiques. On aura deux tables rondes ce soir sur deux thèmes qui nous tiennent à cœur à la fois à nous et à la Confédération Paysanne. Un sur la sécurité sociale de l'alimentation et un sur, justement sur les fermes collectives et coopératives. Donc du coup, ça fait un bon mois et demi qu'on est dessus, tout en continuant à mener les moissons, faire notre travail, produire du pain et des légumes toutes les semaines. Mais c'est intense. Vous retrouvez dans les valeurs du convoi de l'eau et plus largement du combat anti-bassine dans les Deux-Sèvres, j'imagine ? Non, pas du tout. Je me demande ce qu'ils viennent faire. C'est tout bête, mais enfin... Au même titre que la Confédération Paysanne, on considère que l'eau est effectivement un enjeu clé et que l'eau, c'est un commun qui doit être géré collectivement, y compris l'eau agricole, Et que collectivement, il faut définir des priorités dans l'utilisation de l'eau hors agriculture et en agriculture, avec une priorité claire pour l'alimentation locale. Donc on se reconnaît dans l'opposition aux méga-bassines de ce côté-là. Ouais. Et moi, je rajouterais pas pour la, je vais pas parler pour la ferme de Belette, mais pour la Confédération paysanne d'Indre-et-Loire. Évidemment, la Confédération paysanne nationale co-organise le convoi. Si elle co-organise le convoi, c'est que bien évidemment, elle est depuis longtemps dans la lutte contre les méga-bassines et contre l'accaparement de l'eau plus généralement. Et souvent, c'est important qu'on soit là parce que souvent dans l'opinion publique, il y a une opposition qui se fait entre les gens qui sont contre ces méga-bassines et les agriculteurs. En fait, ça dépend des agriculteurs. En fait, et ça, c'est important que non, il y a plein d'agriculteurs et d'agricultrices, de paysans et de paysannes qui sont contre ces méga-bassines. Quelle place il vous laisse la FNSEA et la coordination rurale dans le département ? Dans le département, nous, ça se passe plutôt bien jusque-là sur le convoi de l'eau. On est en discussion. Il y a quelqu'un de la conf 37 qui a discuté avec eux et ça s'est bien passé. Donc, ils nous laissent la place de nous exprimer et de. Oui, mais au-delà de ça, ils sont quand même sur des conceptions très radicalement opposées. Enfin, la FNSEA n'a toujours pas abandonné son modèle productiviste. Quelle place ils nous laissent en général En Indre-et-Loire, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des endroits où ils accaparent complètement la parole et les pouvoirs, surtout même. En fait, on est des syndicats qui n'ont pas la même vision de l'agriculture. On discute ensemble, mais on n'est évidemment pas d'accord sur le modèle agricole à mettre en place, à défendre. Mais parmi leurs troupes, vous sentez que vous en ébranlez des fois de temps en temps ? Pour porter un barnum. Pardon ? Oui, vous sentez que vous ébranlez quelques convictions parmi leurs troupes, des fois, enfin, parce qu'ils sont engagés, eux, dans un schéma un petit peu cloîtré. La Confédération paysanne, elle siège dans des instances à la Chambre d'agriculture. Depuis une dizaine d'années, en fait, on voit clairement le changement de regard. Je me souviens, il y a un peu plus de 10 ans, quand les gens présentaient en CDOA leur projet d'installation, par exemple en maraîchage, où c'était sur des petites fermes, ou par exemple des projets comme ici, on était pris pour des rigolos, pour des gens avec des projets voués à l'échec, parce que c'était un modèle effectivement qui les ébranlait. Et là, honnêtement, et c'est quand même une douce victoire et une fierté quand même pour nous, maintenant c'est plus du tout la même chose. Et il y a le président de la Chambre, un de ses acolytes, qui a dit il n'y a pas très longtemps de ça, il y a quelques mois ou l'année dernière, que attention, les maraîchers et les maraîchères qui s'installaient, il fallait défendre leur installation et tout, ce qui n'était jamais arrivé. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, en Indre-et-Loire, la seule production qui se maintient, c'est le maraîchage, de façon générale. Donc, ils se sont peut-être, ils sont pas idiots, hein, bien évidemment, et du coup, ils ont regardé tout ça et ils voient bien que, en fait, les projets qu'on met en place, ça tient la route et qu'on n'est pas des rigolos et que c'est peut-être intéressant de défendre des projets d'installation comme ceux qu'on a mis en place. Mais souvent, je vais leur lancer une boutade, hein, mais c'est de bonne guerre. On a toujours un temps d'avance, c'est-à-dire que toutes les formations qu'on met en place pour l'installation des paysans et des paysannes, on peut être sûr qu'environ 5 ou 6 ans après, ils les reprennent dans la chambre d'agriculture avec les mêmes termes, les mêmes. Donc voilà, je pense qu'on a une vision, je crois, assez correcte de ce qu'on. Enfin voilà, je le dis pas sans aucune prétention. Je pense qu'on est dans le bon chemin des choses. Mais quoi, ça veut dire quoi dans le bon chemin? Parce que moi, j'avais lu le livre L'Atelier paysan. Ouais. C'est quoi? Reprenons la terre aux machines. Je trouve qu'ils font un portrait de l'agriculture aujourd'hui, vachement bien. Mais un bouquin référence, reprendre la terre aux machines. Oui, mais c'était dire aussi qu'il y a une volonté politique de la grosse machine, hein, de l'industrie, et que oui. Si en parallèle ils font leur petit truc à côté, ça, de toute façon il n'y aura pas de, comment dire, ça va pas. C'est Goliath contre, non, je suis fatiguée. David. Alors c'est Goliath. David contre Goliath, c'est ça, oui, que tu veux dire? Parce que un des points saillants effectivement du bouquin Reprendre la terre aux machines, c'est de dire que on ne peut pas se contenter d'une agriculture de niche qui serait une agriculture bio, destinée à un tout petit segment du marché de consommateurs. C'est ce qui a été à l'époque effectivement validé et expliqué par le ministre de l'Agriculture de l'époque, par Stéphane Le Foll et par le président François Hollande. C'était un peu leur projet, c'était aménager un petit espace pour l'agriculture paysanne et biologique et pour un certain segment des consommateurs et se dire qu'on ne touche pas au reste du modèle agricole. Nous, ce n'est pas ça qu'on défend. La Confédération paysanne, elle ne défend pas le fait d'aménager un petit segment qui permette à quelques paysans de s'en sortir de manière. Vous avez le droit de le défendre, hein. Je veux dire, moi je dis, enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais je pose la question politiquement. Oui, et débattre ce soir, quand on va débattre de la question de la sécurité sociale de l'alimentation, ce qu'on défend, c'est le fait qu'on peut, aujourd'hui, c'est possible de penser des politiques publiques à l'échelon national qui permettraient à la fois de garantir un revenu paysan digne de ce nom et des statuts paysans, des statuts de protection sociale et de droit à retraite dignes de ce nom pour l'ensemble des agriculteurs, et en parallèle, de garantir un droit à l'alimentation universel, comme on a travaillé sur le droit à la santé en France, on pourrait faire la même chose sur le droit à l'alimentation. Donc ça, c'est une question de politique publique, c'est pas une question d'agriculture de niche ou de petits segments de marché. C'est une question de traiter l'alimentation comme un droit universel pour tous. Moi, je trouve ça super intéressant. La mission agricole comme une mission alimentaire qui peut être soutenue par des politiques publiques nationales. Au même titre que la santé, enfin, pour nous, quand on produit, on se dit que la première base pour être en bonne santé, c'est quand même de bien manger. Nous, en tout cas, moi, paysanne, ça me fait chier de vendre des trucs à des gens qui font que partie d'un segment de la population. Moi, j'ai envie que tout le monde achète nos produits. Et ce projet que la Conf nationale a voté, hein, il y a une motion qui a été votée au dernier congrès de la Conf là, au mois d'avril, que le projet, là, c'était de travailler sur la sécurité sociale de l'alimentation. Comme on l'entend, parce que c'est un peu un mot qui est en train d'être utilisé un petit peu par tout le monde et qui a tendance à être un peu galvaudé. Non, nous, enfin, c'est vraiment donner un statut aux paysans et aux paysannes et permettre aux gens de se nourrir correctement et de choisir aussi. C'est pas de l'assistanat, c'est pas des chèques alimentaires, c'est pas des distributions gratuites d'aliments que la grande distribution ne veut plus. Ce qu'on va parler ce soir ? Exactement. Mais je voulais. C'est le sujet qu'on aborde ce soir. Ouais. Après, je vous laisse parler aussi. Hein. Mais j'avais juste envie de dire que ce que vous développez comme manière de travailler la terre, d'accord ? Bah, ça existe depuis la nuit des temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on. Tu disais, je ne sais plus ton prénom. Ouais. Il voit bien que ça marche, qu'on n'est pas des farfelus. Mais je veux dire, à l'origine, on. On vivait, tu vois, c'est qu'il y a une volonté, ça c'est moi qui le dis, hein, j'ai pas, il y a une volonté politique de détruire tous ces savoir-faire, de détruire l'histoire, nous, permettre à l'agro-industrie de continuer à être présente, enfin clairement, hein, voilà. Ouais. Après, il y a, c'est pas, enfin, on défend pas un retour à un passé mythique ou à un âge d'or, c'est pas ça qu'on défend à travers l'agriculture paysanne. Enfin, par exemple, nous, pour prendre un exemple tout bête. Moi, je suis paysan boulanger. On fait du. Si on me regardait travailler ce matin quand j'ai commencé le pain à 4h du mat, on pourrait dire que je travaille comme au temps passé, puisque je pétris à la main, je façonne à la main, je cuis au four à bois. Oui, mais alors quoi ? Mais le four qu'on utilise, c'est un four en métal qui a été développé depuis moins de 15 ans par une petite entreprise dans l'Aude et qui depuis n'arrête pas de se développer parce que tout le monde cherche à se procurer des fours qui marchent. Donc on n'est pas bloqué sur un passé où on se dit les choses doivent fonctionner de telle manière. L'agriculture paysanne, c'est une agriculture où on travaille en autonomie, sur notre autonomie, sur la résilience, sur la manière dont on s'intègre dans un tissu local et comment on produit de manière responsable. Mais c'est pas une agriculture qui est bloquée. C'est une agriculture qui innove. C'est très contemporain et moderne, quoi. Nous, on n'a pas envie de. Enfin, on veut aussi se préserver humainement. On veut. Enfin, et elle évolue, c'est-à-dire que. Déjà, les femmes veulent leur place dans cette agriculture-là, ce qui change quand même de l'agriculture qu'on peut s'imaginer du siècle dernier. Nous, on veut notre place et aussi on veut avoir des loisirs, accès à la culture, les vacances, etc. Donc, les vacances, carrément, toi. Et où alors? C'est vraiment n'importe quoi. Non, vous avez envie? Non, mais c'est... Oui, je comprends. Rien à dire. Pas pour moi, je vous laisse continuer. L'organisation plus concrète de cette journée. Donc là, vous avez vu, ça s'active. Et comme l'a dit Jean-Cyril, il y a une cinquantaine de bénévoles qui viennent d'un peu partout en Indre-et-Loire et même ailleurs. Mmh. Et qui sont issus de tous les milieux un petit peu. Et puis des milieux. Et il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des femmes, il y a des gens non binaires. C'est assez très hétéroclite. Et il y a des gens qui prennent leurs légumes ici à la MAP. Il y a pas mal de paysans et paysannes qui ont pris des jours de congé pour pouvoir être là, pour pouvoir filer le coup de main. Et puis des copains, des copines et évidemment des militants, des organisations qui organisent comme Bassine Non Merci, les Soulèvements de la Terre et bien sûr la Confédération Paysanne et les Amis de la Conf. Voilà. Et donc, du coup, le convoi va arriver vers 17h à peu près. On va les accueillir, il va y avoir des visites de la ferme qui seront organisées par les paysans et les paysannes du collectif de Belêtre. Ensuite, il y aura les ateliers, mais on veut aussi que ce soit festif, donc il y aura des petits concerts de musique pour se détendre, un bar qui est magnifique, qui est ouvert là, un banquet qui est fait par les cantines. Un travail de malade, les cantines. Hein. Faut voir, hein, ils font à manger midi et soir pour à peu près 1000 personnes. C'est incroyable. Moi, ça me. À partir de produits locaux. À partir de nos produits des fermes. Ouais. Donc, c'est incroyable. Moi, ça m'a scotché. C'est la première. Je m'en suis rendu compte quand j'étais à Sainte-Soline, là, au mois de mars. Ils ont fait un boulot de dingue et je veux le rappeler parce qu'on est vite passé d'un autre côté à Sainte-Soline alors que c'était une organisation incroyable. Et là, c'est pareil. Et puis, on ne va pas se coucher trop tard parce que demain, on repart sur Tours à 8 heures. Donc, et puis, ils font du vélo en plein cagnard. Il ouais. fait chaud. Donc, ils sont fatigués. Et donc, il y a des douches qui sont installées, qui se déplacent avec le convoi. C'est hyper bien organisé. Moi, je suis admirative de tout ce collectif. Quand on a une petite ferme comme ça, au milieu de la Touraine, on est fier quand on l'organisation d'un grand mouvement comme ça, finalement, qui a une portée qui dépasse celle de Sainte-Soline et des Deux-Sèvres. On est un petit peu fier quand même que ça s'arrête ici. Ouais, il y a un truc qui est vraiment... à la fois qui est touchant pour nous, parce qu'on a l'impression que le travail qui a été accompli sur la ferme depuis presque 10 ans, il est reconnu sur tout ce qui a été tenté, ce qu'on a essayé de faire, ce que mes collègues avant moi ont essayé de faire, parce que moi je suis arrivé il y a 2 ans, en termes d'inventer une autre façon d'être paysan en collectif et en bio sur une terre, de relancer du tissu militant et local, rural. Donc il y a quelque chose de touchant parce qu'on se sent reconnu dans ce qu'on cherche à mettre en avant. Et puis il y a quelque chose aussi d'émouvant, quoi. De voir que on est en train de vivre une période d'accélération sur le changement climatique, sur les dérèglements climatiques qui est hyper marquante depuis 2-3 ans. Ça se sent fort, tout le monde le sent. Là, c'est plus possible que les citoyens français ne sentent pas ce qui se passe, quoi. Là, tout le monde le vit, en ville comme à la campagne, tout le monde étouffe. Et on a eu l'hiver le plus sec depuis 1959, quoi. Tout le monde a bien vu qu'il n'a pas plu, quoi. C'est un symbole que ça tombe sur la semaine la plus chaude de l'été. C'est un symbole malheureux. On espère que ça va rendre le propos d'autant plus pertinent. Nous, on ne se réjouit pas que nos amis cyclistes soient sous le cagnard, mais ça montre d'autant plus de manière criante ce qui se passe. Et du coup, c'est hyper émouvant de voir des centaines de personnes qui ont pris autant de temps et d'énergie pour se dire, eh ben là, ok, on va dire pacifiquement, de manière joyeuse mais hyper déterminée, sur une semaine entière, que des projets qui nous qui nous verrouille et qui nous enferme dans des modèles destructeurs, et ben c'est plus possible, quoi. Et ça, c'est hyper émouvant pour nous de se dire qu'on accueille ces gens-là, qu'on va pouvoir échanger et qu'on va pouvoir leur dire bonne route demain matin pendant que nous, on sera au nettoyage et au démontage, quoi. C'est marrant parce que c'est un anniversaire qu'on a peu fêté, mais il y a 20 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Millau, il y avait le grand rassemblement altermondialiste sur le Larzac, quoi. Cet été, il y a eu un mouvement sur le Larzac qui s'appelait les Résistantes, là. Et qui vient de se passer, début août. Hein. C'était il y a 15 jours auquel j'y étais, qui aussi permettait de nous retrouver pour pouvoir organiser ce qu'on voit. Et qui aussi, évidemment, on a parlé de l'anniversaire d'il y a 20 ans sur le Larzac, évidemment. Et moi, je voulais dire aussi, vous demandiez comment sur Belettre ils accueillaient ça, est-ce que c'était une fierté? Nous, on est évidemment hyper fiers que ce soit la ferme de Belettre qui est acceptée, parce que c'est pas évident d'accepter d'accueillir sur la ferme. C'est vraiment un engagement, parce que, comme il l'a dit, il faut s'organiser dans le travail, il faut accepter d'accueillir beaucoup de monde sur sa ferme. C'est toute une logistique, mais on est assez fiers parce que cette ferme à la Conf. On la soutient depuis le début. On pense que c'est un très beau modèle et que pour nous, on est content qu'elle soit comme ça valorisée parce que à Belettre, ils sont aussi beaucoup impliqués à la Confédération paysanne et que c'est aussi des copains et des copines. C'est bon, hein. Ouais. Moi en tout cas. Ça va, vous ? Moi, ça va être bon. Jusque-là, tout va bien. Un photographe qui a pris plein de photos qu'on n'a même pas entendues. On n'a rien entendu. Hein. Mais c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Nous, on a hâte. C'est quand même un peu stressant. Il faut que tout se passe bien. Mais on a tellement hâte qu'ils arrivent là. Parce qu'on voit les photos, les images. On suit. Moi, j'étais ce matin à Cousset pour le départ. C'est génial de voir tout ce monde-là. Alors, il y a à peu près entre 700 et 800 cyclistes, et puis des tracteurs et l'organisation autour. Et puis, il y a toujours des gens qui veulent venir un petit peu en plus. Donc, nous, on a bien dit qu'à Belettre, ce n'était pas ouvert au public. Parce que déjà, rien que les gens du convoi, ça fait à peu près entre 800 et 900 personnes. Mais on s'est dit qu'on prévoyait pour accueillir 1000 personnes, comme ça on est un petit peu large. Mais maintenant je peux le dire parce que ça y est, mais on a bien dit attention, il ne faut pas que, si vous n'êtes pas inscrit, il y a eu des inscriptions au convoi, si vous n'êtes pas inscrit, c'est génial que vous nous soutenez et tout, mais venez pas à Belettre. Par contre, venez à Tours demain devant le palais de justice à 11h30, à Orléans, à l'agence de l'eau, et puis le 26 à Paris. C'est vendredi, il n'était pas à Orléans, jeudi ou vendredi, c'est le 25. Donc moi, je suis perdue dans les jours. C'est vendredi. C'est le 25. Vendredi. C'est vendredi. Vendredi, voilà, on a une petite délégation qui va aller demander la discussion à l'agence de l'eau pour... C'est pas tout le groupe qui s'arrête. On va s'arrêter, mais c'est une délégation qui va être accueillie par l'agence de l'eau pour entamer. Parce qu'en fait, l'objectif de ce qu'on voit de l'eau, c'est... Ça se veut convivial, festif et familial pour engager la discussion, pour montrer que, en fait, nous, on n'est pas des éco-terroristes comme on veut nous mettre sur la place. Ils le savent. Hein. Mais qu'on veut la discussion, on veut engager une discussion et on veut un moratoire pour la gestion de l'eau. C'est ça l'objectif de ce qu'on voit.